Bonjour à tous et à toutes, je vais intervenir ici en tant que professeur à l'ex-IUFM, au futur ex-IUFM, sachant que d'ores et déjà depuis 2 ans, l'IUFM, qui était un organisme autonome, est intégré dans les universités. Ce qui fait qu'aujourd'hui, j'interviens au titre de Paris 12 Créteil, enfin plus exactement l'université Paris Est Créteil, puisqu'elle a changé de nom, ce qui fait une part non négligeable des occupations des administrations, c'est de changer des noms, hein, des logos. Juste pour faire un lien avec ce que vient de dire Isabelle, l'auteur de cette prose administrative a un nom, hein, elle s'appelle Josette Théophile, et elle vient d'être recrutée, elle est DRH, donc au ministère de l'Éducation nationale, et elle vient de la SNCF. L'idée, je vais en rajouter peut-être une couche sur l'incohérence, c'est que nous sommes aujourd'hui agités par une incohérence entre un décret et un arrêté, un décret qui fixe l'inscription comme condition à l'inscription du concours d'enseignement, le CAPES, enfin d'un des concours d'enseignement, le CAPES, avec une inscription à M2 et qui est redoublée par un arrêté qui fixe la condition d'inscription à l'obtention du M2. Hein, c'est vous dire. Et donc, quand on l'interroge, alors l'ADRH va trancher, hein, puisque alors on a beau se sécuriser en disant qu'un décret, c'est plus qu'un arrêté. Comme les arrêtés l'arrêté et le décret est contradictoire, il faut que la DRH tranche. C'est-à-dire qu'on fait des textes un peu mal pensés, puis après, il faut qu'il y ait quelqu'un qui donne, au fond, la vérité entre le décret et l'arrêté. Donc, c'est vous dire un petit peu comme le disait Isabelle, hein, non pas, enfin, cette impression d'impréparation qu'on voudrait croire, érigé en méthode de gouvernement, hein, dans la précipitation, tout le monde est un petit peu agité et puis on ne sait pas, mais en fait, à bien suivre les choses depuis 2 ans, en fait, c'est l'impréparation se résume à l'impréparation, en fait. Hein, c'est-à-dire que l'objectif est clair, faire des économies, mais en même temps, on pilote à vue. Hein, on a expliqué il n'y a pas très longtemps aux responsables que ce serait bien si on mettait le baccalauréat en première, qu'on sache. Dès maintenant, au moment où on change les programmes de seconde, quelles seront les épreuves du baccalauréat en première, c'est-à-dire une année plus tard, ils ont trouvé que c'était une bonne idée, hein, qu'on fasse comme ça. Bon. Autre exemple, hein, le concours du CAPES 2011. Hein, l'écrit du CAPES 2011 aura lieu en novembre 2010. Hein, et nous aurons les sujets, hein, de ce concours autour du 15 avril 2010. Voilà, hein, voilà. En résumé, voilà où on en est, hein, sachant que le concours 2010 aura lieu comme depuis plus d'une vingtaine d'années. L'écrit aura lieu en mars et l'oral en début juillet. Voilà. Alors, je vais intervenir ici juste pour vous expliquer un petit peu comment se passe la formation aujourd'hui. Vous rappelez, enfin, ces grandes lignes de 3 points de vue. D'abord du point de vue d'un fonctionnaire stagiaire de l'éducation nationale, ensuite du point de vue de l'IUFM et ensuite du point de vue du système. Alors, premier temps, que se passe-t-il aujourd'hui lorsqu'on est fonctionnaire stagiaire, qui est prévu par les textes, hein, la première année après le concours, et de toute façon, de façon réglementaire, une année de stage. Hein, on est titularisé qu'après une année de stage. Alors, pour l'heure, donc le candidat au CAPES ou à l'agrégation qui se félicite vers la mi-juillet de l'obtention du concours pour lequel il a réalisé beaucoup de prouesses et effectué des efforts assez considérables, donc se retrouve dans une année de stage qui se décompose comme suit. Pour partie, une formation, théorique, enfin, c'est ce qu'on appelle la formation des IUFM, hein, qui grosso modo l'occupe à peu près un tiers du temps, hein, c'est-à-dire les stagiaires sont divisés en groupes et subissent, hein, je reviendrai sur ce terme, subissent la formation IUFM dont même sans le savoir ce qu'elle est, on est tous d'accord pour dire qu'elle est insuffisante. Et en tout cas mal adapté. Hein. On se souvient encore de cette fameuse expression du référentiel bondissant qui était censé exprimer en langage IUFM le ballon pour les formateurs d'EPS. Alors on a pris au mot un petit peu cette idée reçue, hein, pour montrer l'absurdité d'un système qui, au lieu d'appeler un ballon l'appelait référentiel bondissant. Et donc certains collègues se sont plongés dans la littérature pour retrouver des traces de ce fameux référentiel bondissant. Et il n'existe pas, en tout cas, sous forme écrite. Hein. Bon, c'est vous dire un petit peu. Alors, cette formation UFM. Ensuite, un stage dit en responsabilité. Ça veut dire que dès la rentrée, ils ont une ou deux classes, ça dépend des matières. Moi, j'enseigne en histoire, géographie. Donc, ça veut dire deux, voire trois classes en responsabilité. C'est-à-dire que ce sont les professeurs de la classe. Un autre stage qui s'appelle un stage en pratique accompagnée. Alors, stage en responsabilité, c'est toute l'année. Hein. Il y a un autre stage qui est un stage en pratique accompagnée, qui, comme son nom l'indique, consiste à faire une quarantaine d'heures, une cinquantaine d'heures, autour de 40 heures, mais pas exclusivement des cours, en observation dans la classe d'un collègue hein, qui est là au fond de la classe pour voir si tout se passe bien. En général, tout se passe bien. Alors, donc l'UFM, les cours, j'y reviendrai là-dessus, des stages. Et puis, différents intervenants qui se succèdent. Les gens qui vont observer le travail du professeur stagiaire sont un tuteur qui suit le jeune enseignant, jeune ou moins jeune d'ailleurs, l'enseignant pendant toute l'année, pendant son stage en responsabilité, qui, la plupart du temps, est dans l'établissement, pas toujours, hein, est dans l'établissement. Le tuteur du stage en pratique accompagnée, qui, comme je l'ai dit, est en présence hein, du stagiaire. Parmi les intervenants, hein, de ceux qui vont évaluer hein, le stagiaire, il y a aussi le chef d'établissement. Hein, et donc, du côté des établissements, c'est-à-dire la pratique professionnelle, le stagiaire est évalué par trois intervenants, hein, son tuteur, le tuteur de pratique accompagnée et le proviseur ou le chef d'établissement. Bon. Alors du côté de l'UFM, cette formation UFM est à la fois disciplinaire, hein, en histoire, géographie, et évidemment avec une forte coloration didactique et pédagogique, et aussi transversale. Hein, cette formation UFM, ce qu'on appelle la formation UFM, qui, vous le voyez, hein, ne concerne qu'une partie hein, de l'activité des stagiaires qui sont, comme on dit, sur le terrain. Est divisé en deux, donc disciplinaire et transversal. C'est-à-dire qu'il s'agit de prendre au mot, au fond, cette question hein, de ce qu'on appelle dans le jargon la gestion de classe ou l'exercice de l'autorité, etc. Donc toute une série de problèmes transversaux qui se posent à l'ensemble des collègues hein, et pas forcément disciplinaires. Donc vous voyez que cette entrée de ce qu'on peut appeler les sciences de l'éducation qui agit hein, d'une certaine façon comme un épouvantail, hein, une sorte d'affront fait aux disciplines, n'intervient que pour un fait extrêmement limité, un temps extrêmement limité, ce qu'on appelle la formation générale commune, et donc qui touche à des, qui essaye hein, d'apporter des réponses aux difficultés des stagiaires. Alors ça va du positionnement de la voix, hein, du corps, de la posture, qui en général fait l'objet de moqueries assez répétées, hein, puisque évidemment ce sont des méthodes qui sont directement inspirées du yoga, de la sophrologie, etc. Bon, bref, ce qui fait qu'il faut arriver avec des tapis de gym, etc., faire des mouvements. En général, ça déstabilise beaucoup les stagiaires. Et puis des choses sur l'exercice de l'autorité, la connaissance du système éducatif. Donc, ce qui fait que dans cet univers, l'UFM fournit hein, au rectorat un ensemble de regards. Qui est effectué donc par des tuteurs, par des intervenants dans les stages, dans les cours, pourrait-on dire, et puis aussi des visiteurs. Hein, ces visites sont effectuées par des membres de l'UFM, c'est-à-dire soit des titulaires de l'UFM, soit des professeurs qui sont délégués, qui font eux aussi, donc d'une certaine façon, partie de l'UFM, pour la formation des maîtres, et qui vont visiter les stagiaires. Donc cet ensemble de textes, de regards croisés, est fourni à l'inspection, aux IPR, au rectorat, donc, et à charge aux inspecteurs et nous fournissons à la fin de l'année un avis hein, favorable ou défavorable à la titularisation, mais ce n'est qu'un avis. En dernière analyse, ce sont les IPR, les inspecteurs pédagogiques régionaux, qui ont la main et qui décide de suivre ou non l'avis de l'UFM et de, de justifier le fait de suivre ou non l'avis de l'UFM par une inspection ou pas. Hein, c'est-à-dire qu'en général, jusqu'à présent, mais là encore, précipitation, nous avons appris la semaine dernière que le nouveau recteur de l'Académie de Créteil, alors que jusqu'à présent, ses nombres d'inspections terminales étaient relativement limités, un certain nombre de stagiaires qu'on mettait sur des listes d'alerte où on pensait que vraiment il y avait des problèmes, désormais, le recteur, nouvellement nommé, venu de l'Académie de Bordeaux, a décidé que les inspecteurs allaient devoir inspecter le maximum de stagiaires, ce qui a aussitôt été traduit par les IPR comme étant l'idée qu'il fallait visiter tous les stagiaires, c'est-à-dire, dans le cas qui nous occupe à Créteil, une centaine hein, de stagiaires d'histoire-géographie. Donc voilà comment ça se passait aujourd'hui, hein, c'est-à-dire, au fond, les croisements de regards sur la pratique des stagiaires, une mutualisation des pratiques, avec surtout quelque chose d'assez important, qui est ce travail en groupe hein, d'une vingtaine de stagiaires qui ont le temps, tout au long de l'année, d'échanger, puisqu'il y a toute une partie de formation qui est prévue, d'ailleurs, dans le plan de formation, une formation individuelle, hein, c'est-à-dire à l'initiative des stagiaires qui peut décider d'aller suivre telle ou telle formation dans un musée, par exemple, ou alors d'aller voir des collègues, la co-observation, etc. Donc une façon d'aider à la titularisation qui restait dans les mains de l'inspection. Alors, deuxième regard, maintenant vu du côté des IUFM. Alors, les IUFM, hein, tout le monde sait ce que c'est. Il suffit d'interroger n'importe qui dans la rue, il sait que les IUFM existent et que de toute façon, c'est pas bien, ils ne remplissent pas leurs fonctions. Hein. C'est un des problèmes sur lequel je reviendrai en troisième temps dans la logique du système. Alors, vu du côté de l'UFM, quel regard on peut porter sur la formation ? Alors, donc, l'IUFM, je le rappelle, l'Institut universitaire de la formation des maîtres, une institution qui a été créée en 1991, hein, donc relativement récente, et qui se situe littéralement entre, et certains diront en porte-à-faux, hein, entre deux institutions, d'un côté l'université, hein, qui a la charge de former à la discipline, et d'autre part, ce qu'on appelle quelquefois l'employeur, hein, c'est fou comme la métaphore de l'entreprise a gagné tous les domaines, donc l'employeur et l'éducation nationale, c'est-à-dire il prend le visage, sympathique ou pas d'ailleurs, de l'inspection, hein, qui en une heure décide de la titularisation ou non d'un collègue. Donc ça veut dire que de notre point de vue, on est dans une position où nous sommes un peu entre deux chaises. Hein. De fait, et c'est ce qui faisait le confort et l'intérêt de cette position, qui pouvait en faire un espace attractif hein, pour qui s'intéressait non pas seulement au savoir, mais aussi aux conditions de construction de ce savoir et aussi à la diffusion du savoir. Donc une place plutôt attractive, en tout cas c'est mon cas. Il faut rajouter que l'objectif de ces IUFM était d'unir dans une même institution les anciennes écoles normales qui avaient pour fonction de former aux professeurs des écoles, enfin, ceux qui sont devenus, chemin faisant, les professeurs des écoles, le primaire et le secondaire. Hein. Alors il faut dire tout de suite que la greffe a pas très bien pris en réalité. Hein. C'est peut-être un des échecs de l'IUFM, parce qu'il est vrai que derrière cette alliance entre le primaire et le secondaire aux cultures ouvraient très différentes. Hein. Pour aller vite, on peut dire que dans le primaire, la culture hiérarchique était beaucoup plus forte, hein, c'est-à-dire le lien hiérarchique entre les inspecteurs de l'éducation nationale, les IEN, et les enseignants est beaucoup plus fort que dans le secondaire. On peut dire que les traditions donc plutôt héritées de... Alors pas forcément des hussards noirs hein, qui étaient les anciens professeurs de l'UFM, mais pas les instituteurs comme on le croit souvent. Enfin, c'est pas les UFM, les écoles normales. Donc cette culture hiérarchique est encore très pesante. Hein, la dépendance des professeurs des écoles vis-à-vis des inspecteurs reste très forte, et ça se ressent d'ailleurs dans la formation. Alors que la culture secondaire est plus lâche, hein, c'est-à-dire moins hiérarchique, relativement plus souple. Et on peut dire que ces deux cultures, hein, du secondaire et le primaire, n'ont pas réussi véritablement à se fonder. Il faut dire que le lien entre le primaire et le secondaire était fondé sur l'idée que on pouvait enseigner. Enseigner était un métier qui s'apprend, certes, mais de la maternelle à l'université, avec un discours un peu destiné à horrifier un petit peu les tenants des savoirs et des disciplines, hein, pour dire que finalement, entre professeur à l'université et professeur en maternelle, il y avait beaucoup plus de points communs que de différences, et que donc, confronté à un discours qui pouvait apparaître, en tout cas frontalement, dirigé contre discipline, il est vrai que la greffe n'a pas pris, et raison de ces cultures différentes, à la fois dans des institutions auxquelles elle devait former, mais aussi de la culture des enseignants de ces écoles normales, désormais élargies. Alors, vu de notre point de vue, donc le fait d'être entre la, du point de vue professeur du FM, entre l'université et l'école primaire, ça nous permettait, bon, je vais citer juste mon cas personnel, de naviguer hein, entre l'année de préparation au concours, c'est-à-dire cette année dans le cadre pour les professeurs du secondaire de l'université et pour les professeurs du primaire de l'IUFM, une année de préparation au concours, donc de les préparer à ces épreuves spécifiques. Alors dans le cadre des professeurs du secondaire et pour l'histoire-géographie, c'est surtout la préparation essentiellement non pas aux épreuves dites disciplinaires, mais à une épreuve un peu particulière qui était née dans les nouveaux CAPES dans les années 80, qui était au début une épreuve professionnelle. C'est-à-dire que et d'ailleurs, c'est le cas dans beaucoup de CAPES. Hein. L'idée, parmi les trois épreuves orales du CAPES, il y avait une épreuve dite professionnelle où on disait aux candidats au CAPES, donc, enfin, aux futurs admissibles ou admis, entre l'admissibilité et l'admission, il s'agissait de leur dire, voilà, vous avez, alors, je sais pas, vous avez enseigné la monarchie absolue en quatrième, comment vous faites ? C'est-à-dire les mettre dans une situation. Alors, assez rapidement, je dois dire que du côté de l'histoire-géographie, cette aberration, puisqu'il s'agissait de demander à des gens qui n'avaient jamais enseigné comment ils allaient enseigner, et vu les risques de dérive, puisqu'il fallait apprendre par cœur des cours tout faits, a évolué vers une épreuve très, à mon avis, très intelligente, qui s'appelle l'épreuve sur dossier, qui essayait de prendre pour cible, non pas directement les questions d'enseignement, puisque par définition, les futurs capétiens n'avaient pas encore vu d'élèves, et d'essayer d'avoir une interrogation sur les conditions de la construction du savoir historique, c'est-à-dire en y faisant des dimensions, en intégrant une dimension épistémologique, comment on construit un objet historique, comment on construit une durée, comment on construit le récit historique, une dimension aussi historiographique, de façon à se repérer un peu dans la masse de la production historique, et géographique, hein, à chaque fois, vieux tropisme, la géographie disparaît. Dans l'ombre portée de l'histoire. Et donc, ces dimensions, il y a la construction du savoir et aussi une connaissance, non pas précise des programmes, mais plutôt des finalités du programme. Une réflexion, finalement, on exigeait des candidats, au fond, on leur demandait de savoir finalement à quoi ça servait d'enseigner l'histoire, pourquoi enseigner l'histoire, la géographie, etc. Mais non pas directement comment l'enseigner. Bon. Ensuite, le deuxième travail qui était un peu spécifique, hein, qui était de prendre à bras le corps les enseignants, les stagiaires, et de les accompagner au fond, hein, dans ce métier un peu difficile, qui consistait finalement, oui c'est ça, un métier d'accompagnement et un va-et-vient entre des établissements scolaires différents. Oui, je mentionne l'idée que en passant que quand on faisait son stage en responsabilité en collège, on faisait l'autre stage en lycée et vice-versa. Et donc une connaissance à peu près, la plus étendue possible du système scolaire et du métier spécifique d'enseignant. Donc on en retient cette idée que l'expérience des IUFM hein, en cette matière a été d'intervenir à l'amont de la préparation des concours, pour beaucoup d'entre nous d'être membres des jurys des concours, et puis ensuite d'avoir le produit fini, hein, c'est-à-dire de préparer le futur des enseignants, parce qu'il était difficile pour des candidats qui étaient tout à la joie d'avoir eu leur concours vers la mi-juillet de savoir que le futur était le 1er septembre, hein, et donc les vacances bien mérité, allait s'achever assez rapidement. Enfin, troisième remarque, et puis j'espère ne pas avoir été trop long, du côté du système. Hein, alors, il est clair que c'est ce qui faisait la noblesse et l'intérêt de ce métier. L'IUFM comme structure a été universellement détestée. Hein, c'est-à-dire que, et c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles il meurt dans une indifférence à peu près totale, cette institution a été universellement détestée, à la fois par les stagiaires, qui étaient dûment avertis que ça servait à rien et qu'ils allaient perdre leur temps. Et donc, le défi, hein, c'était de les prendre dans cet état-là au début de l'année et puis de leur montrer petit à petit qu'on pouvait leur servir à quelque chose et que ce rebond entre la discipline, le savoir et la didactique pouvait être intéressant. Détesté par les IPR, hein, qui est le rectorat, qui voyait une institution un peu hybride, hein, qui au fond marchait un peu sur leur plate-bande. Hein, on fait des visites, et d'ailleurs fréquemment, lorsque les professeurs du FM visitent des collègues, c'est vu aussi comme une inspection, hein, de tous les côtés. Et d'ailleurs, quel est le statut d'une visite conseil où on évalue un peu sur la même chose et un inspecteur, c'est une situation un peu ambiguë. Je dirais pas méprisé, mais plutôt ignoré par l'université, hein, qui était consciente qu'on ne faisait pas le même métier. Hein. J'ai encore souvenir récemment de passe d'armes, hein, entre un collègue universitaire qui refusait d'accepter cette idée de base qui me semblait un préalable à la réflexion que le savoir ne pouvait pas exister en tant que tel sans qu'on réfléchisse au moins un minimum aux conditions de sa construction et voire même aux conditions de sa diffusion. Et ça, ce sont des cultures qui sont un peu fortes. Alors, ça sera peut-être un élément de polémique avec mes collègues tout à l'heure. Donc, premier point, dans le système, les UFM n'ont pas su trouver leur place, ça c'est clair, hein, ne sont pas devenus légitimes, alors même que, y compris financièrement, c'était les UFM qui avaient la charge de la formation des enseignants, c'est-à-dire que nos collègues universitaires qui préparaient aux disciplines étaient payés, hein, par des fonds venus de l'UFM. Hein. C'est-à-dire que, sur le papier, tout était en place pour avoir la dignité d'une institution, puisque même elle avait un budget d'ailleurs assez considérable. C'est d'ailleurs une des raisons de la suppression des UFM, puisque ça fait des économies budgétaires. Alors, donc, du côté du système, c'est vrai que les UFM n'ont pas su trouver leur place. Juste une remarque incidente, c'est vrai qu'à l'intérieur, c'est pourtant un lieu de réflexion et d'empoignade assez sévère, hein, sur les partisans des disciplines. Et alors, traditionnellement, en histoire géo, nous avons cette culture disciplinaire qui nous est reprochée par beaucoup d'autres collègues, et entre les partisans des disciplines, en disant que si on savait rien, on pouvait pas l'enseigner. Finalement pas si idiot que ça, si on y réfléchit bien. Et puis des partisans du transversal qui font finalement, il faut réfléchir aux conditions, au dialogue avec comment les prendre sur alors des questions, hein, qui autour de l'autorité. Hein, bon, bref. Donc ça donnait lieu à de belles empoignades et aussi finalement, et moi ça m'a permis en tout cas de découvrir ce que j'avais soigneusement ignoré. D'ailleurs, à mon grand étonnement rétrospectif, qui était ce qu'on appelait les sciences de l'éducation. Hein. J'ajoute qu'en tant qu'historien, c'est peut-être un des grands problèmes de l'enseignement en France, c'est de considérer que pédago est une insulte dans le milieu enseignant. Hein. Quel chemin, finalement, si on compare avec la situation à la fin du XIXe siècle, où, dans un même élan, la construction de l'école a signifié une réflexion assez forte, plus complexe qu'on ne l'a dit, sur les programmes, hein, notamment en histoire géo, et accompagnée d'une réflexion sur la pédagogie. Hein, parmi les grands monuments, hein, le dictionnaire de la pédagogie de Ferdinand Buisson, qu'on peut encore relire sans honte et sans peine aujourd'hui, hein, a accompagné cette œuvre scolaire. Et donc, disons que l'école a marché sur ses deux jambes. Hein, et petit à petit, ça a été aussi un des problèmes. Et ça, pour la réforme est peut-être pas mauvaise sur ce plan. Hein, le fossé, c'est totalement... écarté entre, d'un côté, la pédagogie au sens le plus large possible et donc les sciences de l'éducation comme discipline et les disciplines proprement dites d'autre part. Donc ça, c'est l'IUFM comme institution. Je crois que en outre, hein, le système est confronté aujourd'hui à un certain nombre de difficultés. Sans même parler de la réforme, hein, je n'aborderai pas, sauf à la fin, en deux temps, cette réforme. En trois minutes, la masterisation, en tout cas cette quasi-disparition, même si de fait c'est une intégration dans l'université, est en fait à relier évidemment, hein, à une échelle européenne. Hein, c'est-à-dire que si on veut comprendre quoi que ce soit à ce qui se passe aujourd'hui sur le nom de masterisation, hein, les textes sont là, les intentions sont très claires, hein, pas forcément sous cet angle financier que souligne le gouvernement, mais le processus de Bologne, etc., est tout à fait une mesure qui a prévu, hein, alors non pas l'harmonisation véritablement, mais le recueil de bonnes pratiques. Et je crois que le bon niveau d'intervention, c'est de revoir avec précision, hein, ces textes signés par les gouvernements précédents, hein, français, qui nous en sert dans un cadre européen qui confie, comme dans tous les autres pays, ou pratiquement tous, la question de la formation des enseignants à l'université. Hein. Donc ça, c'est l'angle systémique. Et donc, pour finir, hein, les risques de la réforme actuelle dont on va beaucoup parler, sont finalement de... Et c'est, ça me semble un peu un trait caractéristique de cette réforme cachée, derrière tout ce qu'on a dit, les enjeux financiers, etc., c'est l'enjeu, au fond, de la, des rapports hiérarchiques, hein, c'est-à-dire de la gouvernance, comme on dit dans les institutions internationales, et de plus en plus aujourd'hui à l'échelle nationale, et voire... régional ou local, hein, c'est-à-dire c'est la restauration de rapports hiérarchiques simples, facilement compréhensibles. Hein, il y a un responsable, et c'est lui qui est responsable de la formation des enseignants. Donc de ce côté-là, on perd une forme de souplesse, hein, d'années de sas où on pouvait à la fois descendre de vélo et se regarder pédaler, hein, et donc finalement réfléchir à ses pratiques. Et ça, on le perd, et c'est vraiment un enjeu, à mon avis, extrêmement fort, hein, ce rétablissement de la culture hiérarchique et cette valorisation de la culture hiérarchique. Et puis d'autre part, nous perdons aussi avec l'UFM ce lien avec les savoirs et la recherche. Et c'est vrai que, et ça, je nous plaidons coupables, hein, collectivement, me semble-t-il, sur l'idée que nous n'avons pas su, au fond, être le lieu où pouvaient se féconder mutuellement ces cultures disciplinaires si fortes, hein, et soigneusement gardées à l'université, et à mon avis à juste titre. Et au fond, tout ce savoir dont je parlais tout à l'heure, qui avait été accumulé de l'ordre de la pédagogie ou des sciences de l'éducation, et c'est peut-être le plus grand échec, ce qui fait que c'est un peu bien fait pour nous, peut-être sur le plan, j'allais dire, la formation des enseignants. Je crois que le plus grand échec est de ne pas avoir fait le lien avec la recherche universitaire. Oui, ça pose pas de problème, mais l'intention est claire. Mais avec cette recherche, hein, autour des sciences de l'éducation, qui vaut beaucoup mieux, hein, que la caricature qu'on en fait. Voilà grossièrement traité la situation actuelle et évidemment entachée ou enrichie, c'est selon, de mon expérience professionnelle en matière de formation des enseignants. Oui.